Et là tout de suite, c'est Histoire vivante sur la première. Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. 90% des marchandises que l'on consomme, des produits industriels, mais des produits de consommation, qui circulent en fait par le biais notamment des grands porte-conteneurs. Cette semaine, des règlements et des vagues. Le désordre, il provient essentiellement du fait que on a une multitude de textes épars, mais il faut bien voir que la portée d'une convention internationale, un traité, donc signé entre des États. Et ce désordre provient du fait qu'en fait, il n'existe pas de droit des transports internationaux réellement uniforme. Les crimes existent, les crimes contre les êtres humains. Eh bien, il faut juste prendre en compte le fait que des crimes contre l'environnement sont éventuellement envisageables aussi. Comme pour la responsabilité civile, on indemnise des dommages qui concernent des personnes. Eh bien, il faut prendre en compte le fait qu'il y a des dommages qui concernent également l'environnement. Du code à la pratique. Quelque chose qu'on ne sait pas, c'est le nombre de conteneurs perdus en mer par an, mais absolument phénoménal, et en particulier dans le rail de la Manche, qui est vraiment l'autoroute de la mer européenne. Et pas sur chaque voyage, mais il y a des conteneurs perdus aux mers, avec le problème de savoir si ce sont des déchets ou pas des déchets. La conteneurisation, c'est un phénomène absolument majeur. Ça nous permet aussi d'être approvisionnés, nous, consommateurs, quasiment en continu, sans rupture, avec des volumes extrêmement importants, qui vont du micro-ordinateur à la paire de chaussures. Le commerce en mer. Celui qui est à Marseille donne des ordres, celui qui est dans l'Empire ottoman doit les exécuter. En l'échange, il perçoit une commission, c'est un droit en général de 2 ou de 3% sur les marchandises qui transitent entre ses mains, et il se rémunère. Qu'est-ce que le Harter Act ? Comment en est-on venu aux règles de Rotterdam ? Quelle différence entre commerce et transport ? Quelles vont être les 3 étapes de la consolidation ? Quelles relations entretiennent chargeurs et armateur. Qu'est-ce qui va se jouer à La Haye? Ce sont là quelques-unes des questions qui seront abordées ce soir avec notre invité. Puis-je vous demander de vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Cécile Legros, je suis professeure de droit à l'Université de Rouen. Je suis donc enseignant-chercheur et ma spécialité, c'est le droit des transports internationaux. Il est vrai que droit maritime, certes, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on connaît, mais en même temps, quand on mesure, sans jeu de mots, l'étendue et la superficie des dites mers à la surface du globe, comment ne pas penser que un minimum de droit est absolument nécessaire? C'est une question qui se pose depuis, j'allais dire, l'aube des temps, enfin, dès l'instant que des bateaux ont commencé à naviguer sur les flots, très vite, on en est venu à dire qu'il faudrait un minimum de règles. Je voudrais avec vous, Cécile Legros, commencer peut-être par quelque chose que je n'ose prononcer parce que mon latin est quelque peu faible, mais je veux parler d'une coutume commune qui semble appartenir un peu à l'ancien temps. Alors, Ius Mercatorum. Alors le Ius Mercatorum, qu'est-ce que ça recouvre ça? Alors c'est presque philosophique, mais l'idée que il existerait une communauté des marchands, mercatorum, renvoyant au terme de marchands, qui aurait une certaine homogénéité et qui se serait dotée de règles quasi universelles. C'est un peu utopique, l'idée d'un droit universel, ça peut renvoyer au droit naturel de Rousseau, et que ces règles seraient communément acceptées par l'ensemble de la communauté des marchands, alors agissant ou opérant dans une branche d'activité particulière, par exemple le commerce maritime. Sachant que ce commerce maritime est des plus mondial et très tôt, on navigue depuis fort longtemps, est-ce que ce dont nous allons parler concerne essentiellement une certaine zone géographique, l'Europe à la fois antique et médiévale et de la Renaissance, où déjà on commence à inclure des puissances navales qui sont infiniment plus loin, je pense notamment par exemple à la Chine? Alors je pense que l'origine du droit maritime est européenne, puisque c'était les ports européens qui finalement ont commercé et découvert les continents. je crois que la philosophie de ces règles a pu s'étendre en Amérique, à la faveur de la découverte de l'Amérique, sans doute autour de la Méditerranée et un petit peu aussi au Moyen-Orient ou au Maghreb. Plus tard en Afrique, quant à l'Asie, puisque c'est la question que vous posez, je crois qu'elle est quand même restée un peu en dehors de ce mouvement, même si j'ai l'impression qu'au point de vue des règles du commerce maritime, ils sont rentrés dans le moule, si je puis dire, des règles internationales. Bon, aujourd'hui, c'est un acteur majeur, hein, mais ils n'ont pas une philosophie générale du système qui est très différente de celle qui est née en Europe. Alors, vous avez signé un article intitulé « Évolution de la réglementation internationale du transport maritime des marchandises » avec ce sous-titre du « Harter Act de 1893 » aux règles de Rotterdam de 2008. Vous m'avez bien précisé, avant l'ouverture de ce micro, attention, je ne suis pas historienne, néanmoins, vous avez accepté, on vous en remercie, de faire l'effort de nous expliquer, de nous faire comprendre un petit peu quels sont les enjeux de ce transport maritime de marchandises. Ce Harter Act de 1893, il vient, et vous précisez que c'est quand même une surprise, des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin de ce 19e siècle? Pourquoi c'est une surprise que ça vienne des États-Unis? Et puis, qu'est-ce que ça contient que ce Harter Act? Il faut peut-être, avant d'aborder le Harter Act, juste dire quelques mots sur la situation de la réglementation du transport maritime antérieur. Le transport maritime, c'est une lutte de pouvoir, ou sa réglementation, entre deux groupes d'opérateurs qui sont les chargeurs et les armateurs. Les chargeurs, ce sont les importateurs et les exportateurs de marchandises. Et alors, c'est plutôt le terme qu'on utilise pour exportateurs, mais ils peuvent être aussi importateurs, les industriels, les commerçants. Et puis, les armateurs, ce sont les propriétaires de navires. Or, cette réglementation, son objet principal est de définir quelles sont les responsabilités du transporteur maritime, de l'armateur, si d'aventure la marchandise est perdue ou endommagée. Et donc, bien entendu, les chargeurs souhaitent que la responsabilité soit la plus lourde possible, alors que les armateurs souhaitent que la responsabilité soit la plus légère possible pour les opérateurs qu'ils représentent. Ça, c'est une constante de tous les temps. Oui, ça c'est la constante de base du droit des transports. Et donc, avant le Harter Act, on a bien entendu une communauté maritime très dominée par la puissance des armateurs historiques, essentiellement en Angleterre, aux Pays-Bas également et dans un certain nombre de colonies de ces deux pays-là et surtout de la Grande-Bretagne. Et on a des armateurs qui abusent de leur puissance pour finalement rédiger des contrats entre chargeurs et armateurs dans lesquels ils vont minimiser au maximum leurs propres responsabilités. Comment impose-t-il, comment ce lobby-là, puisque c'est un mot que vous employez, comment ce lobby-là impose-t-il sa propre loi à ceux qui sont chargés de transporter, justement? Alors, bon, vous utilisez le terme de loi. Moi, j'utiliserai pas le terme de loi, j'utiliserai le terme de contrat, même si, en droit, on dit que le contrat fait la loi des parties. La base des relations entre ces opérateurs, c'est un contrat qui définit les obligations respectives de chacune des parties, les responsabilités. Or, ces contrats sont rédigés par les armateurs, qui les imposent à leurs clients. Donc les chargeurs n'ont absolument pas le choix. Ils ont une capacité de négociation, une marge de manœuvre de négociation qui est extrêmement faible. Alors, des très très gros chargeurs, aujourd'hui il en existe, est-ce qu'il en existait à l'époque, il en est sans doute, peuvent avoir une capacité de négociation un peu plus importante, mais la plupart des exportateurs ou des importateurs n'ont aucune capacité de négociation sur ces clauses relatives à la responsabilité. Comment sont-ils organisés ces armateurs? Ils travaillent de manière individuelle ou ils s'entendent un peu de façon collective? Il y a des clubs, si j'ose dire? Oui, il y a des clubs d'armateurs, des organismes, j'allais dire organisations, mais plutôt des organismes internationaux. Ils parlent entre eux. La plupart des contrats de transport maritime, donc qui ont une appellation originale qui s'appelle le connaissement, qui est un type de contrat de transport maritime original avec des qualités spéciales. Ces connaissements, ce sont des contrats standardisés, uniformisées qui peuvent différer d'un armateur à l'autre, mais il y a quand même des clauses qui sont communes. Et c'est vrai qu'il y a une certaine connivence de cette profession qui, d'ailleurs, est beaucoup moindre aujourd'hui, puisque aujourd'hui, le droit de la concurrence, et en particulier le droit de la concurrence européen, interdit ce type d'entente. Alors donc, Arthur Act, 1893, il y a une révolution dans l'air. Oui, parce que on est arrivé à cette époque-là avec une situation dans laquelle les armateurs inséraient systématiquement dans leur contrat ce qu'on appelle une negligence clause, qui est une clause en fait qui les exonère de toute responsabilité au regard de l'état de la marchandise. Donc c'est comme si un transporteur s'engageait, en théorie, transporter une marchandise, mais qu'en fait, il ne s'engageait à rien, puisque si cette marchandise est perdue ou endommagée, il ne devra aucune indemnisation au client. Oui, c'est assez fortiche quand même d'arriver à avoir fait passer ça pendant quelques siècles. Oui, oui, c'est vraiment symbolique d'une profession qui est tout à fait puissante. Et la réaction vient des États-Unis parce que les États-Unis, finalement, c'est une ex-colonie anglaise, mais c'est pas un pays d'armateurs. Les États-Unis, c'est un pays de chargeurs. Et ce pays de chargeurs, qui devient puissant déjà à cette époque-là, considère que c'est pas possible de continuer à se faire imposer de tels contrats ou de tels contenus de contrats. Et il adopte cette loi, le Hart Act, qui pour la première fois pose comme règle que les limitations de responsabilité au profit de l'armateur sont illégales, illicites. Et donc ça commence à faire une émulation de telle sorte que on se demande si c'est souhaitable que finalement cette nouvelle philosophie se propage au travers de législations internes à des États, et si les opérateurs du commerce maritime ne sont pas arrivés à un certain degré de maturité pour adopter un texte commun. Alors avant qu'on en vienne à cet endroit-là, est-ce qu'on a quelques traces de la réaction en ce temps-là des armateurs? Parce qu'on imagine que quand on dispose de quelques privilèges qui vont de soi, on ne les lâche pas forcément facilement. Est-ce qu'on va avoir affaire à tout un tas de bras de fer, et est-ce que d'une manière ou d'une autre ces choses-là sont un peu documentées? Oui, à l'époque, on dispose de sources documentaires sur la façon dont la loi a été votée, les réactions qu'elle a suscitées dans la presse, et en effet, il y a eu un bras de fer, y compris aux États-Unis, parce que même si le monde des armateurs n'était pas un lobby aussi puissant qu'il pouvait l'être en Grande-Bretagne, par exemple, il existait aussi des armateurs aux États-Unis. Donc oui, c'est parfaitement documenté, mais je crois que même la Grande-Bretagne à l'époque s'est rendu compte que la situation n'était pas tenable et qu'il fallait qu'il y ait une évolution de cette situation. Ça, c'est difficile en Angleterre. Oui, parce que le lobbyisme, il est sans doute né en Angleterre avant d'être né aux États-Unis, mais je crois que l'Angleterre était au 19e siècle déjà peut-être une puissance maritime déclinante, elle se rendait compte qu'elle avait d'autres intérêts aussi à défendre que simplement les intérêts des armateurs. Histoire vivante, cette semaine, des règlements et des vagues. Suite de l'entretien avec Cécile Legros. Est-ce que la prochaine adresse, Cécile Legros, concernant l'histoire du commerce maritime, elle se situe à Anvers, siège du Comité maritime international créé en 1897. Est-ce que c'est à cette adresse-là que les choses vont commencer à être posées, à être discutées? Est-ce que c'est la première marche, en quelque sorte, de quelque chose qui est en train de s'internationaliser, en l'occurrence le droit du transport maritime? Oui, certainement, le rôle du Comité maritime international a été décisif. Donc, c'est en effet un organisme qui naît aussi à cette époque, qui est un organisme donc qui n'est pas une organisation intergouvernementale, qui est une organisation de professionnels. du monde maritime, tout de même un peu dominé par les armateurs aussi, mais qui ne comprend pas que des armateurs. Mais c'est un être hybride entre une représentation des États et des entreprises, puisqu'il y a aussi des représentations étatiques, en tout cas, qui participent aux travaux de ce comité maritime international. Et c'est en tout cas dans cette enceinte que sont nées les premières réglementations véritablement internationales sur ce domaine, qui n'avait pas de valeur de loi, donc ne s'imposait pas ni aux États ni aux opérateurs, mais qui devait servir de source d'inspiration pour les armateurs pour rédiger leurs contrats et leurs fameux connaissements. Et donc, ces premières règles comportaient, finalement, elles étaient assez proches dans leur contenu du Harter Act, puisqu'elles comportaient aussi le principe d'interdiction de exonération de responsabilité du transporteur maritime. Le problème, c'est que dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un droit, on parle de droit mou, ou soft law, par opposition à hard law, eh bien, les opérateurs n'étaient pas obligés de s'y conformer. Alors, ça traînasse combien de temps? Parce que ça, d'une certaine manière, c'est une sorte de marche sur laquelle il ne faut absolument pas poser le pied. Ça traîne assez peu de temps, à vrai dire, puisque très rapidement, les États se rendent compte que les armateurs boudent, en quelque sorte, les règles de la haie, ne les adoptent pas, ne transforment pas le contenu de leurs connaissements, et on va passer, en quelque sorte, à la vitesse supérieure où les États se saisissent de cette question et décident de mettre en chantier une convention internationale. Comment ça, est-ce qu'on peut arriver à faire connaissement de points définition? Et qu'est-ce que c'est que ce mot? Il est bizarroïde. C'est un titre de propriété sur la marchandise et ça permet notamment que la marchandise soit vendue à plusieurs reprises pendant le cours du transport maritime. Ce qui intéresse en particulier les matières premières agricoles ou minérales. Dont le taux n'est pas fixe, dont le taux varie. Voilà. Et la réglementation qui est adoptée à l'époque, les règles de la haie puis la future convention de la haie, ne concerne que les transports sous connaissement. Donc sous-entendu, ça ne concerne pas que les transports tous les transports maritimes de marchandises, même si à l'époque le connaissement est le titre le plus répandu pour transporter des marchandises, ce qui n'est plus du tout le cas à l'heure actuelle. Cécile Legros, l'étape suivante après cette fin de 19e siècle, c'est l'internationalisation. C'est le moment où d'abord par la Société des Nations, la SDN, puis après l'Organisation des Nations Unies, cette question du droit du transport maritime international va être en quelque sorte délégué à ces grandes instances. Qu'est-ce que ça change dans les faits? Ça change tout de même que ce sont les États qui se saisissent des questions et non plus les opérateurs eux-mêmes. Alors bien entendu, je pense que dans ces domaines-là, les États ont toujours eu le souci d'adopter des règles qui soient compatibles avec les règles de la pratique et pas forcément trop en contradiction ou trop choquantes pour les opérateurs. Mais en même temps, c'est un peu siffler la partie fin du jeu et de plus respecter les intérêts respectifs en présence, à savoir les intérêts des clients, des transporteurs et les intérêts des transporteurs. Donc les États jouent un rôle d'arbitre entre ces différents groupes de pression. Est-ce qu'on a affaire à quelque chose qui est en profond désordre? Quand je vous vois dire, la difficulté, c'est précisément de s'opposer au désordre et l'organisation, d'une certaine manière, va arriver très tardivement. Je vois des règles qui sont parachevées en 2008, donc ça date d'hier, même pas d'avant-hier. Qu'est-ce que c'est que ce désordre-là et quelles vont être les nouvelles règles qui sont censées, peut-être, d'ailleurs, dites-vous, pallier au désordre? Le désordre, il est où? Le désordre, il provient essentiellement du fait que on a une multitude de textes épars, même si les États, la fameuse convention dont on n'a pas prononcé le nom, la convention de Bruxelles de 1924, qui est la première étape de l'uniformisation au plan international de ce droit du transport maritime, c'est une convention qui a eu énormément de succès et qui est très largement ratifiée au monde. Mais il faut bien voir que la portée d'une convention internationale, un traité, donc signé entre des États, elle dépend de nombre d'États qui vont être partis à cette convention et qui vont l'appliquer. Donc celle-là était très appliquée. Dans une période beaucoup plus récente, dans les années 80, une autre convention a été adoptée, les règles de Hambourg, qui avait vocation à se substituer à celle-là et à moderniser cette convention et à être peut-être un peu plus équilibrée sur les intérêts entre les parties, notamment rééquilibrée un peu plus en faveur des chargeurs. Mais cette convention a été un semi-échec puisqu'elle a été essentiellement ratifiée par des États africains. Donc on se retrouve à la fin du XXe siècle ou au XXIe, avec deux textes importants qui sont pas ratifiés par les mêmes pays, certains pays ayant ratifié les deux d'ailleurs, et ce désordre provient du fait qu'en fait il n'existe pas de droit des transports internationaux réellement uniforme. Et du coup, on se retrouve avec un contentieux maritime qui est susceptible d'être éclaté avec plusieurs textes différents qui ont des contenus différents, susceptibles de s'appliquer à un même contentieux. À vous, ça vous paraît tout à fait évident, mais qu'est-ce qui fait que la convention signée à Bruxelles en 1924 ne serait plus d'actualité aujourd'hui en 2015, 2016, 2020 ? Alors, je suis partagée parce que je trouve que finalement... Elle fonctionne encore pas mal, cette convention. Je pense qu'à l'époque, on rédigeait des textes de qualité, assez simples. Elle ne comporte par exemple que 10 articles qui sont susceptibles d'être interprétés, cette interprétation pouvant évoluer avec l'évolution de la société ou des techniques. Donc, c'est quand même un bon texte. Mais il est certain que la technologie dans le transport maritime a énormément changé et les flux, la quantité de flux au monde a évolué de sorte que cette convention elle est obsolète à bien des égards et en particulier elle n'est plus adaptée aujourd'hui à l'essentiel du commerce maritime qui est le commerce par conteneur. Bien entendu, en 1924, le conteneur n'existait pas. Histoire vivante, cette semaine, des règlements et des vagues. Suite de l'entretien avec Cécile Legros, professeure de droit à l'Université de Rouen. Proportionnellement, si l'on transporte beaucoup plus aujourd'hui par voie de mer, Cécile Legros, est-ce essentiellement dû à l'augmentation démographique, puisqu'après tout, les moyens de transport, eux, ont évolué par rapport à 1924. On ne transporte pas en avion en 1924, on ne transporte que par bateau. Malgré cela, il y a beaucoup plus de transports, dites-vous, maritimes aujourd'hui qu'il ne pouvait y avoir en 1924. Oui, parce que je crois que pour ce qui est des marchandises, en tout cas au plan du commerce mondial, le transport maritime reste largement dominant en raison de son faible coût et de sa grande capacité. Voilà, quand on voit aujourd'hui les navires gigantesques, 18 000 boîtes, comme on dit dans le jargon chez moi, le boîte désignant le conteneur, eh bien... 18 000 boîtes oui. Sur un même... Ça, ce sont les derniers navires. L'un a été inauguré, un navire CMA-CGM, qui est la compagnie maritime française. Récemment, il est passé au Havre. Je crois que c'était 18 000. Dans l'évolution du transport maritime, il y a une branche dont j'ai pas encore entendu parler, c'est le constructeur. Quand on commence à fabriquer de véritables villes flottantes pareilles, on peut imaginer quand même que leur responsabilité ne peut pas ne pas être prise en compte. Oui, bien entendu. Alors, l'armateur, lui, son obligation principale, c'est de mettre à disposition de ses clients un navire en état de navigabilité. C'est le terme consacré. Or, bien entendu, donc, c'est un navire en état de naviguer. Alors, ce terme recouvrant un certain nombre de critères particuliers. Mais bien entendu, parfois, il y a des défauts du navire qui ne sont pas visibles ni à l'œil nu, ni par une inspection, parce que ces navires font l'objet d'inspections régulières. Et là, dans ces cas-là, s'il y a une avarie, un dommage, si le navire coule, eh bien, l'armateur ou le propriétaire de navire pourra mettre en cause le constructeur s'il y a eu un défaut de fabrication du navire. C'est certain qu'aujourd'hui, on se pose la question sur ces navires gigantesques. Hein. Je crois que quelque chose qu'on ne sait pas, c'est le nombre de conteneurs perdus en mer par an, mais absolument phénoménal, et en particulier dans le rail de la Manche, hein, qui est vraiment l'autoroute de la mer européenne. Pratiquement pas sur chaque voyage, mais il y a des conteneurs perdus aux mers, avec le problème de savoir si ce sont des déchets ou pas des déchets. Donc là, on rentre dans une autre branche du droit, le droit de l'environnement. Et on se pose aussi la question de savoir si... alors là, c'est pas vraiment un problème de conception, mais si finalement, en termes de responsabilité globale, si ces porte-conteneurs gigantesques deviennent assurables et si on peut continuer la course au gigantisme comme ça, parce que ils perdent des conteneurs, ils coulent rarement quand même pour l'instant, mais si un devait couler complètement, peut-être que ce serait quelque chose où ce serait impossible d'indemniser ceux qui ont subi des pertes, tellement le dommage serait important d'un seul coup. Cécile Legros, une toute dernière question. Vous dites qu'on se dirige vers de plus en plus de pragmatisme. En pratique, est-ce que ça veut dire qu'on va vers de plus en plus de libéralisme et de moins en moins de contrôle? Est-ce que le bras de fer sur l'évolution du droit est un bras de fer que l'on peut voir dans quantité d'autres domaines pour tout ce qui concerne le commerce, certains pays ou certains regards, disons, optant pour le libéralisme le plus échevelé, tandis que d'autres voudraient que l'on ait recours aux contraintes. Alors j'ai évoqué tout à l'heure les deux conventions qui sont actuellement applicables dans le monde, la convention de Bruxelles et les règles de Hambourg. Et puis en effet, il y a une nouvelle convention qui a été adoptée en 2008 sous l'égide des Nations Unies, qui s'appelle les règles de Rotterdam, qui n'est pas encore entrée en vigueur, puisque pour rentrer en vigueur, il faut qu'il y ait un certain nombre de ratifications par les États qui ont participé à la négociation et qui ont adhéré à cette convention. Et cette convention est, pour certains, constitue un certain retour en arrière, puisque on a abandonné le sacro-saint principe d'interdiction de limitation de la responsabilité de l'armateur, sous la pression de certains lobbies pragmatiques, donc, qui souhaitaient finalement que les opérateurs recouvrent une certaine liberté. Donc l'idée étant que dans des domaines où finalement le chargeur est en capacité de négociation, de force de négociation quasiment au même niveau que celui de l'armateur, on peut lui laisser une liberté contractuelle parce qu'il va pouvoir défendre ses propres intérêts. Moi, je crois qu'il y a aussi une autre considération qui mérite d'être prise en compte dans cette nouvelle convention. Aux États-Unis, il n'y a pas de limitation de la responsabilité contractuelle. Alors, il y avait le Hart Act, mais aujourd'hui, la loi maritime. On a gommé. Voilà. Et moi, j'avais participé à un colloque aux États-Unis il y a quelques années où il m'expliquait, parce que nous, ça nous choquait beaucoup, nous, les Européens, cette loi américaine, qui finalement n'est plus conforme à la réglementation internationale. Et il nous expliquait que, en fait, ça leur coûtait pas plus cher et que les intérêts des parties étaient aussi bien protégés parce que c'était l'assurance qui prenait le relais. C'est-à-dire que il suffisait d'avoir un bon assureur qui compense et que, in fine, le coût pour l'importateur ou l'exportateur n'était pas plus important que le coût en Europe sous l'empire des conventions internationales. Bon. Je pense que c'est quand même une considération qui mérite d'être retenue parce que les chargeurs ont peur ou certaines parties ont peur, mais si finalement l'assurance peut compenser, c'est peut-être une peur qui est plus épidermique que réelle. Cécile Legros, merci d'être venue au micro d'Histoire Vivante. Merci à vous. Demain, la suite de cette thématique consacrée au territoire maritime et notamment aux coutumes ayant engendré le droit, notamment dans l'Empire ottoman.